7h10 avec du son Caliente, Alex El Figo, El Cata, Chacal, Daddy Yankee, l'amour et Gaspas, la radio couleur. Heureux d'être là, c'est Francky. Et le week-end s'est bien passé pour Aurélie, c'est ce qu'elle dit. Moi j'ai fait la fête tout le week-end, et ben nous aussi on a fait la fête. La météo qui arrive. La météo. La météo pour aujourd'hui, le ciel est couvert et très nuageux ce matin. Ça caille un petit peu, moins 1 degré ressenti du côté de Saint-Jean-de-Bray, Fleury-les-Aubrais, avec des températures qui ne vont pas dépasser les 7 degrés aujourd'hui et beaucoup, beaucoup de nuages malheureusement. Le soleil devrait faire son apparition, si je regarde bien Météo France, demain normalement. Le soleil sera là avec des températures négatives encore au lever du jour, moins 1, moins 2 degrés dans le matin. Ça risque de faire un petit peu frisquer du son qui arrive avec Tony Carrera, la radio arc-en-ciel et partenaire du concert. C'est au mois de janvier, le 21 janvier, au Zénith d'Orléans. Tony Carrera sur la radio couleur. Sei se sou capaz de te falar de mim. Se ao olhar para trás, eu nem sei de onde vim. De onde vem esta dor que me rouba a calma? A falta desse amor que me trespassa a alma. Sigo os sentidos que me levam até ti, à procura de encontrar tudo aquilo que perdi. Se me quiseres, estou aqui, pronto para recomeçar, e vou dar o melhor de mim para te fazer acreditar que nada nos vai mais separar. Que desta vez vai ser diferente. Prometo te amar para sempre. Tão puro como um rio que corre para o mar. O meu amor por ti nunca vai acabar. E contra o destino que a nossos dois foi dado, eu traço outro rumo para ficar a teu lado. Sigo os sentidos que me levam a à procura de encontrar tudo aquilo que perdi. Se me quiseres, estou aqui, pronto para recomeçar, e vou dar o melhor Arc-en-Ciel, Tony Carrera, pas la simple air, je vous rappelle de la radio. Arc-en-Ciel, le partenaire du concert, ce sera le 21 janvier aux Élites d'Orléans. Et puis Noël qui arrive dans un mois et quelques jours. Et puis on vous a fait ce petit remix du matin version salsa. Et Rodrigo Hayes, Last Christmas, belle journée et bon réveil sur la radio couleur. Por ti, no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra. Así. Avec Last Christmas, Rodrigo Hayes. Coucou à vous, vous venez d'arriver. J'espère que vos week-ends s'est bien passé. Sous la grisaille, malheureusement. Et il fait froid ce matin, moins 1 degré. Couvrez-vous du son qui arrive avec Imagine Dragons et Believer. Belle journée, bon lundi, aujourd'hui, le 22 novembre. veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... h 21 sur la Découleur. Belle journée à vous. Courage pour ceux qui reprennent le boulot ce matin et ceux qui sont en vacances. Bah, profitez encore parce qu'il y a José qui me dit, je me lève de bonne heure pour écouter la radio, mais je suis toujours en vacances. Je suis dans le lit, tranquille avec Radio Arc-en-Ciel. Bah ouais, José, salut. Rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Hier, l'événement quand même, le match Lyon-Marseille. Quel événement, parce que le match a été arrêté, hein. Il y a Payet qui a reçu une bouteille d'eau sur la tête, donc l'arbitre a décidé après presque 2 heures de concertation entre les juges et les arbitres d'annuler le match, carrément de reporter le match ou annuler. On aura les réponses aujourd'hui. En tout cas, la personne a été arrêtée et mise en garde à vue, voilà, après avoir jeté une bouteille d'eau sur Payet. Hier, c'était Lyon-Marseille. C'est triste, c'est vraiment triste d'en arriver là, mais bon, comme ça, le football, le rugby, on a vu le rugby l'autre jour là, il n'y a pas longtemps, c'était bien, c'était calme, pas de problème. D'ailleurs, j'avais eu Joël et Olivier qui étaient là-haut, et donc il y a des belles photos. Ah ouais, c'est ça les rugbyman, le respect, l'ordre, heureux d'être là, c'est Mafiosa qui arrive sur la rue Couleur. Bon réveil, belle journée. Premier, je suis avec ma go enfouraillée au cas où faudrait simplifier. Quand tu pilotes un prototype, faut assumer. Elle est tellement douce, obligée de faire dans la durée. Avec elle, c'est le marathon. Avec elle, pas de baratin. Bang, bang, bang. Si tu traînes dans un baratin, Mamma Fiosa, Mamma Fiosa. Así você me mata. Je pense qu'elle a su très censuré. Eu tô bem. Ouais, ce soir on est 50. Eu tô bem. Samba, samba, samba. É uma rocânia brasileira. Se mexer com meu marido, vai levar peixeira. Ele tá aqui comigo, aqui no RDV. Não vem brincar comigo, porque eu sou uma brasileira. Eita, eu tô bem. Tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Já vê como é que tá tudo bem. Eu tô bem. Tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Já vê como é que tá tudo bem. L'artiste Carolina Mafiosa, elle dit, bah, je suis avec tout, mon mec, tout va bien, tout de bang. Tout de bang aussi pour vous. Ce matin, vous êtes là, 7h47, c'est l'horoscope qui arrive et la météo aussi, on vous l'a dit, moins 1 degré ce matin, 7 degrés, pas plus, avec des nuages, malheureusement. Et l'horoscope sur la radio Couleur. L'horoscope, c'est maintenant. L'horoscope, et on démarre avec les béliers. Ne compromettez pas vos chances en brûlant les étapes aujourd'hui. Prenez en compte d'éventuelles résistances. Les taureaux, des problèmes familiaux seront à l'ordre du jour. Ménagez-vous. Les gémeaux, ne vous laissez pas aller au pessimisme. Le climat astral pourra vous apporter le plus heureux des changements dans le domaine conjugal. Les cancers, si vous voulez ramener le calme dans votre foyer, commencez par vous montrer beaucoup plus tolérant. Les lions, votre réalisme sera votre force aujourd'hui, alors foncez les lions. Les vierges, vous doutez de l'amour que votre partenaire vous porte, votre relation risque d'en subir les conséquences. Les cancers, les tensions pourraient apparaître dans vos relations amoureuses aujourd'hui. Les scorpions, votre ciel sentimental sombre, couvert comme le ciel d'ailleurs aujourd'hui, vous vous sentirez mal aimé, comme Claude François. Ouais, oui, le mal aimé, je suis le mal aimé. Je sais, je chante très mal sous la douche. Les sagittaires, vos rapports avec l'être aimé ne seront pas sans saveur. Vos échanges seront plutôt énergiques, mais très stimulants. Les capricornes, ne permettez à personne de s'immiscer dans votre intimité. Et surtout, ne faites pas étalage de vos sentiments. Les Verseaux, vous aurez l'impression que votre partenaire vous délaisse. Mais non, pas du tout. Il vous aime et vous adore. Les Poissons, pour terminer, une journée que vous vivrez dans un climat passionné. Vous avez sans doute envie de vous amuser. Et tous les plaisirs seront au rendez-vous ce matin. Belle journée, bon réveil, 7h27 minutes. Ça caille un petit peu. Et Shakira qui arrive avec une belle reprise de Francis Cabrel. Et je l'aime à mourir. C'est sur la radio couleur. Belle journée, courage à vous si vous allez au tas. Voici Shakira. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán. Yo soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero morir. Pueden destrozar todo aquello que ven, porque ella en un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada. La quiero morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre de este cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa. La quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ses nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel. Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire de la vie et l'amour aussi. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes me queda de la vida el amor, sí. Radio Conciel, 7h38 minutes avec Shakira. Belle reprise de Francis Cabrel. Je l'aime, amour. Coucou à José qui est connecté. Ça y est, il est au boulot ce matin. Ah ouais. 7h09. Il faut le boulot. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Et Pascal aussi qui est du côté d'Olivier. Salut Francky, merci de ta bonne humeur ce matin, ton joie de vivre. Ah ouais, le smile dès le matin, le sourire avec Bruno Mars 24 Magic. Bon réveil. Ouais, je chante sous la douche tous les matins. Brass Bruno Magic 24 Music and Radio Arc-en-Ciel. Welcome. Contre le Stade de France, les Français. Ils ont gagné, les Français, 40-25. Ah, bravo, bravo. Quel beau match. Quel beau match. C'est ce que nous dit Joël sur les réseaux sociaux. Bah ouais, vous aussi, vous avez peut-être été voir l'USO. Hein, bah, appelez-nous. L'OLB aussi. Eh bien, appelez-nous. 02-38-43-48-000. Et j'adore. J'adore ça pour se mettre de bonne humeur le matin. Joanna, les clans des gangs. Belle journée et bon réveil. Les colonnes de gang, il y a longtemps que j'avais pas entendu de titre. L'autre jour, je me suis maté un film et ça faisait partie de la bande originale. Et j'adore. Heureux d'être là, 7h39, la nuit de la famille. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Salut les loulous, coucou mon loulou, salut mon jojo. Well, salut Olivier, salut Stéphania, salut Joy, qui est là, Joy. Ah, c'est un nom de film de... Ouais, moi ouais, j'irai par la suite. La couleur préférée des Français, un sondage est tombé tout à l'heure, je regardais ça sur internet. Votre couleur préférée en France serait le bleu aujourd'hui, en deuxième position. On aurait le noir qui arrive, le vert en troisième position et le rouge en quatrième position. Voilà, ça serait les couleurs préférées des Français. Et vous, votre couleur préférée, tiens, appelez-moi ce matin, 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard si vous voulez joindre. En plus, la standardiste ce matin, bah c'est moi. Alors, Radio Arc-en-Ciel, bonjour. Du son qui arrive et on adore Lazara, et c'est ce qu'on disait hier avec ma femme. On dirait Mérine Mathieu la voix. Non, ça arrive, écoutez, voici Lazara sur la radio couleur. Bonne journée, on est le 22 aujourd'hui. Même sans goûter, même sans douter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne penses pas. Même sans goûter, même sans douter, je dirais que tu m'aimes pas. Et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois que j'aimais contre toi? Moi je m'en doutais, moi je m'en doutais, moi je m'en doutais. Tu t'en iras comme tous les autres avant toi. Tu t'en iras. Mais tu grandiras comme tous les autres en avant toi. Je me sens brûlée, du mal à m'exprimer. Je trouve pas les mots, des fois que j'en dis trop. Autant te dire que je m'attends au pire. Est-ce que ma faute, est-ce que la tienne ou celle des autres? Moi j'ai douté, j'ai tant douté, j'ai trop douté. J'ai perdu la foi. L'amour d'autrefois, moi j'ai broyé. J'adore, vous avez vu un roule l'air comme Mireille Mathieu. Lazara sur Radio Cancer. La belle journée, bon réveil. Rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Bandeya, j'espère que vous allez bien de l'autre côté de la radio. On est le 22, aujourd'hui 22 novembre. Un petit tour du côté des États-Unis, les States, les États-Unis d'Amérique. Oui, une jeune de 27 ans, moi c'est jeune, 27 ans, hein, avait mal à la tête dans la nuit, de vendredi à samedi. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle est en train de dormir, elle prenait des médocs, hein, pour avoir le mal de tête. Et puis, d'un côté les médocs, de l'autre côté, vous savez, les écouteurs, sans fil, là. Eh bien, elle a avalé l'écouteur sans fil, ouais, à la place du médoc. C'est-à-dire qu'elle l'a avalé direct avec un verre d'eau. Et là, catastrophée, bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé d'appeler un ami à elle, pour lui dire, bah, comment je fais, etc. Elle lui a dit, bah, essaye de vomir, hein, elle n'y arrivait pas. Et du coup, bah, les écouteurs, hop, dans l'estomac. Et le pire, c'est qu'en appelant son ami avec l'AirPod, eh bien, il fonctionnait toujours. Eh ouais, donc, elle était devant un spécialiste, et puis du coup, ça va s'évacuer naturellement. Petit popo, voilà, et les AirPods, tac, tac, dans les cabinets. Bon réveil, et bon petit déj, surtout si on vient d'arriver. Bah ouais, pour ceux qui déj, avec de la kizomba, j'ai décidé sur la radio couleur, 7h45, DJ démarre. Belle journée, et bon réveil, lundi matin, on sait que c'est pas facile d'aller au boulot, mais on est là pour vous donner le smile et la bonne humeur. Ouais, 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard, c'est nous appeler. On est heureux d'être là. 22 novembre aujourd'hui, ça peut nous porter bonheur. Ouais, pourquoi pas. Maneiras, baby, que eu tô cansado dessas tuas brincadeiras. Só perdoei de antes, é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Já decidi, não quero mais estar a insistir. Eu vou partir, talvez seja o melhor pra mim. Só perdoei. Consequência, eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom enquanto durou, mas hoje acabou, tudo passou. Acabou. Eu vou-me embora, baby, é o melhor pra mim. Eu não consigo mais ter que ficar aqui. Tu me fizeste chorar, oh baby, e não te vou perdoar. Não, yeah. Já decidi, não quero mais estar a insistir. Talvez seja melhor pra mim. Só perdoei de antes, é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Trésor avec déjà démarre Boy Teddy. J'ai décidé un petit peu de kizomba le matin, ça fait du bien pour aller au bureau, pourquoi pas. Salut Edouard qui est connecté du côté de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Merci Francky pour ta bonne humeur. Merci à vous d'être là, heureux d'être là. Et jusqu'à 9h, on est en direct, 7h48 minutes. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. On est là jusqu'à 9h, ouais, dès 7h du matin, on se lève de très très bonne heure pour vous donner le smile et cette bonne humeur que vous avez aussi, vous. Ouais, je sais, c'est ce que me dit Pascal. Pas facile d'aller au boulot ce matin, Francky, mais merci d'être là, ça nous fait plaisir de t'entendre. Ouais. Moi aussi, justement, si vous cherchez du boulot, il y a la file de Fleury-les-Aubrais qui recrute un agent ou une agent d'accueil en manifestation culturelle, femme ou homme, aucune importance, postuler en ligne et consulter d'autres offres sur la ville de Fleury-les-Aubrais. Voilà, on recrute en France, on recrute. Du son qui arrive et on adore la reprise de Amir, longtemps, version Zouk. Et ça fait du bien, un petit peu de Zouk le matin pour vous sortir du lit avec cette version qu'on adore sur la radio couleur. Voici Amir, longtemps, Zouk Love le matin, histoire de vous mettre le smile et la bonne humeur. DJ parisien, pas mal hein, ça zouk le matin dans la voiture. Courage à vous si vous êtes dans les bouchons, pas facile hein. D'être dans les bouchons, non, c'est jamais facile. Stéphanie qui est là, salut Francky, merci de ta bonne humeur. Bah oui, la bonne humeur jusqu'à 9h, ça c'est sûr. Du son qui arrive pour vous sortir du lit, on est en direct à la radio 96.2 FM. Salut les zinzins, sous la douche peut-être, hein, todo de temi. Voici la radio arc-en-ciel en direct le matin, 96.2 FM. Belle journée. Me gusta tu olor, de tu piel el color y cómo me hace sentir. Me gusta tu boquita, ese labio rosita y cómo me besas a mí. Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal. Pero ya no se va con Drake. Te llevo pa' New York un fin de semana. Un cuerpo en que te acostaste y otro por la mañana. Hay un chorro de bobo que te tiene en cama. Pero dile que tú eres del rey como lana. Yo siempre me maltrato viendo tu video y tu retrato. Dile a tu novio que ya se le venció el contrato. Míos son de wax, los arrebato. Yeah. Aceleras dos mil latidos. Es que me gusta estar a ti. De tu a tu parte fue el vencido. Es que me gusta. Ton rayon de soleil. 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Chez moi, les poches se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux d'étonnent sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la scène. Minutes avec Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, J'irai où tu iras. Bonne journée et courage à vous si vous allez au taf ce matin. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Ah ouais, c'est ce que nous dit Sébastien du côté de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Salut Francky, on est là dans la voiture, on t'écoute à fond, on est trois, on va en covoiturage au boulot du côté de Mas-sur-Loire. Eh ben merci à vous les gars, belle journée avec les Daft Punk. Eh ouais, déjà séparés, déjà, voici Get Lucky. Ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night. gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. C'est la radio couleur dès le matin, on est heureux d'être là, c'est Francky dans la radio, 8h du pile, du mat, pile, pile poil. La météo. La météo pour aujourd'hui, le ciel est nuageux, ouais, ça caille un petit peu ce matin au lever du jour, 7 petits degrés. On va pas dépasser les 7, moins 1 degré, hein, ça caille un petit peu demain. Le soleil devrait faire son apparition, mais des températures négatives au lever du jour, entre moins 1 et moins 2, donc il va falloir vous couvrir demain matin. Et demain, on ne dépassera pas encore les 7, 8 degrés, mais le soleil sera présent aujourd'hui, très très nuageux malheureusement, mais bon, la bonne humeur et le smile est là aussi. Polke, c'est là, le son latina, c'est sur la radio couleur. Belle journée et bon réveil, 8h01. Porque te adoro e non paro de pensar em ti. Agora quero que tu me conheças mais. Oh, eu não entendo o teu amor, nos teus olhos fala o coração. Porque esse segredo da tua paixão. Oh, eu não sei se o amor escondido em ti é só meu ou é só ilusão. Eu não sei se esse amor é tão puro, se há amor eu estou perto de te perder. Pergunto por que será que tu me deixas sempre ser louco, mas é de ti só que me sinto bom. Carinho, eu não paro de pensar em ti. Agora quero que tu me conheças mais. Oh, eu não entendo o teu amor, nos teus olhos fala o coração. Porque esse segredo da tua paixão. Vida, a nossa história nunca foi vivida. Por que Et on adore sur la radio couleur Paul Kedzala. C'est vous qui avez fait Yolanda déjà. Et Maros Valdez sur la radio couleur. Tranquille dans la radio. Hi baby, I love you. Ich liebe dich. Je t'aime, ça veut dire le matin. Bah oui, on vous aime tous les matins. 7h-9h. Hi baby, I love you, mon amour. Hi Mentory, Kenza Farah et Pitbull. I need you. For the bread and butter, yeah, they try to toast me. I'm married to the game, but the game don't love me. It'll leave me in a heartbeat, that's why I'm cold-blooded. When I say I love you, I mean it deeply. I can't see life without you living with me. And if you love someone, I know you feel me. When I say before they take you, they gonna have to kill me. Even when you're gone, I'ma hunt you like a Swiss rubber timeout final four. So till the sky comes crashing down, world falls apart. Till death do its part, you my heart for sure. Habibi, I love you, I need you, Habibi. Tout le monde sur le titre, hein. Il y a toute la famille. Hein. Ils sont réunis un jour sur une île déserte, ils ont dû refaire un titre. Hey Bibi, I love you, je t'aime, Ahmed, Shori, Kenza Farah, Pitbull sur la radio couleur, 8h08 minutes. Et puis j'adore cette version au Portugal là. Ouais, parce que tous les pays ont fait une version de Jérusalem, hein, et le Portugal aussi. Bah, c'est Bertin Kuna avec Jérusalem en version portugaise. Salut à nos amis Bandi à la planète, on est en direct, 8h08. Reino de Deus, imploro, prepara-me. anjos além é o meu lugar. E agora eu sei, salva-me, não me deixes aqui. Quero sair, é o meu lugar. Sur la radio couleur, 8h12 avec cette version qui a été reprise par plus de 50 pays et dont là en direct avec Berta Cunha et Jérusalem, version de Portugal. On est là dans la radio, c'est Frankie avec le meilleur des souvenirs et puis le son latina comme ça pour vous sortir de lit. Coucou à Stéphanie de côté d'Orléans, salut Frankie, merci de cette bonne humeur et puis du son que tu amènes le matin. Bah ouais, Henry Mendes, Rodrigo Hayes qui arrive sur la radio couleur. Belle journée et courage pour ceux qui vont bosser. Eh, pas facile le matin de se réveiller comme ça, surtout le lundi. Ouais. Le temps aujourd'hui, 7 degrés, mais le soleil, El Rayo del Sol, il est là, Henry Mendes. Forma indecente, la mano para arriba, mi gente, que somos latinos de sangre caliente. Quiero tenerla junto a mí, cuando la vez se me diga que sí. Cuando ella quiera nos vamos de aquí, porque en mi cama ya sigue el party. Bueno, se quitamos toda la ropa, mi tallo beso tu boca, voy jugando con tu pelo, mío te vuelves loca. Yo quiero ser tu ternura, tu enfermedad y locura, los dos juntitos por siempre. Belle journée, 8h15, Henry Mendes sur la radio couleur. Frankie dans la radio, merci d'être là avec votre bonne humeur et votre joie de vivre. Ça, c'est super important. On est en direct. Sarah H qui reprend Perfect et on adore. Ah oui, j'ai trouvé l'amour. Belle journée, mon petit déj. Ne regarde pas autour et suis mes pas. Je ne savais pas qu'ensemble, bientôt, on créerait un nous. Cet enfant qu'on est tombé amoureux, pour nous ce n'était qu'un jeu. Je ne partirai pas demain. espère partager sa vie. J'ai trouvé l'amour pour supporter plus que mes secrets, pour cet instant où je porterai. Ce soir, allez voir sur YouTube, elle a fait un album de cover, des reprises merveilleuses. Là, c'est H.R.N. avec la reprise de Perfect. Frankie dans la radio, jusqu'à 9h, le meilleur des souvenirs des années 2000, avec Camaro, le petit remix de la radio, et vous l'adorez sur Radio Française. Voici Camaro 2021, Femme Like You. Eh ouais, 8h18, belle journée. Appelle le 02 38 43 48 00. já, já. Quando tu dizias que eu sou teu único amor, baby, era só janjão. Quando tu dizias que serias sempre a minha, baby, era só janjão. Tu dizias que me morres, que me adoras, baby, era só janjão. Quando tu dizias pra pedir a tua mão, e o que eu faço eu? Honesta não, muito menos franca. Que tamanha hipocrisia tu tens? Nada a ver com Pedro, mas tu investe nos bens. Mama, matéria, nada, não é seria. Nosso amor morreu, de bingilé. Vou tirar o pé, mas se pererê. Pelo amor de Deus, sabes que eu amava até do coração. Eu não mereço, eu não mereço. Foi muito pior que bala de canhão. De princesa para rainha do Jajão. C'est l'histoire d'amour encore ça. Ah ouais. Master Jake avec Jaja. Oh, heureux d'être là, c'est Francky dans la radio. Coucou à Marie qui est connectée du côté de Saint-Jean-de-Brest. Salut Francky, belle journée à toi. Sous le soleil de la radio, bah, le soleil ne sera pas là aujourd'hui. Malheureusement, les nuages font leur apparition. Le froid aussi un petit peu ce matin, moins 1 degré. Et on ne dépassera pas les 7 avec du son caliente. Toujours le meilleur des souvenirs en 97. Les deux sœurs Brandy, Monica, the boy is mine. Ce mec est à moi. Ouais. Le meilleur des souvenirs à 8h26. Brandy, Monica. You look kind of familiar. Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name. Oh yeah, definitely, I know his name. But I just wanna let you know that he's mine. No, he's mine. Your man. ce mec est à moi, Brandy, Monica, les deux sœurs en 96, 97. Le meilleur de la musique le matin pour voir plein des bons moments et un peu de tendresse dans ce monde de brut, c'est ce qu'on dit. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée. On nous écoute de l'autre côté de la radio à 81 ans. Elle vient de m'appeler. Bisous, bisous, belle journée. C'est 4 Pedro sur la radio couleur. A perfeita mulher, por isso é que eu te digo que e que faz de mim poeta, meu bem, por ti eu esperei, porque tu és a mulher, a minha mulher, por isso é que eu te digo. Quando dás eu nunca penso, bis. Tu és o que eu sempre quis. E o melhor de tudo é que tu és meu. Sébastien qui nous écoute du côté de Saran. Salut Sébastien, direction le boulot pour vous. Il commence à 9h. Et dans les bouchons peut-être. En tout cas, on vous souhaite une excellente journée avec le soleil de Radio Arc-en-Ciel et puis le meilleur des souvenirs à 8h33. Les années funk disco sur la piste de danse à l'époque, rappelez-vous. Bah oui. Oh, Les Fat Nice pendant 84, Hell Like You Know. Un petit message de Sophie qui me dit j'ai participé à la course de Fleury-les-Aubrais, la Fleurissoise, dimanche matin. C'était super, une bonne ambiance et puis plein de participants, de bonne humeur, voilà. Il faut aimer le sport, ouais, pas facile hein, le matin à 9h, surtout le dimanche. Ouais, ouais, pas facile. Du son qui arrive, laisse-moi t'aimer et on adore sur la radio couleur. Voici Darina, Victory. Belle journée et courage à vous si vous allez au boulot ce matin. Jean-Pierre qui arrive à 9h en direct à la radio. C'est du Zouk Love, comme ça on adore sur Radio Arc-en-Ciel. Ça n'existe pas, mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit que c'est moi. tes bas récollés. Enlève-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille. Je sais pas si vous avez regardé le film de Lady Gaga hier, hein, mais magnifique. Ah, j'ai regardé la fin, moi, je me suis endormi. Hein. Et ouais, magnifique film, hein, en tout cas, on a pleuré, on a tous pleuré la fin. 8h43 minutes, c'est Francky dans la radio. Coucou à Isabelle qui est connectée du côté d'Olivier. Salut Francky, merci pour ta bonne humeur. Bah, merci à vous d'être là, surtout le matin. Et vous êtes de plus en plus nombreux du côté d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray, Olivier, Saran et j'en passe. 96.2 FM, Camaleon. Camaleon, dis-moi pourquoi t'es vas, dis-moi pourquoi tu t'en vas. Ben, je te le dirai plus tard. 8h46 minutes, c'est Francky dans la radio. Avec le smile et la bonne humeur. dançar. Eu fico logo perdido a sonhar. Adoro quando me tocas, bailas sem parar. Eu fico louco e digo, vem amar. Qui arrive et le téléphone, c'est un homme d'affaires. Tous les lundis, le téléphone, c'est un truc de fou quand même. Redette avec vous, on est dans la radio, le meilleur des souvenirs, 8h49 pour vous emmener au boulot ce matin. Et les années 90 avec Donny Hines, it's alright, it's okay. Quoi, j'aime pas, pas facile le lundi, ouais, je sais, il fait pas beau, mais on est là, avec le smile et Donny Hines. But that's the part of you that I want. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Notre réveil matin, c'est Francky, et puis bah, le réveil matin de la suite, c'est Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Francky. Ça va Jean-Pierre? Bien et toi? Ouais, j'ai envie de parler comme ça ce matin. Avec l'accent du soleil, t'as raison, on en a besoin en plus. Ah, le soleil, on a besoin. Moi, on fait semblant d'être dans le sud de la Fraise. J'espère que vous allez bien dans le côté de la radio, que tout va bien, que tout est bien. C'est le week-end qui arrive bientôt, hein, dans une semaine. Oui. Avec la bonne merde. J'ai un chat, une chatte dans la gorge. Je pense que j'ai. Miaou. Miaou. Ça va, ton week-end s'est bien passé, Jean-Pierre? Très court, très court. Ouais, c'est jamais assez long. Tout le monde dit ça en général. Ouais, ouais. Non, mais c'est les heures de sommeil. C'est juste ça. Il va falloir qu'on fasse un week-end de 3-4 jours. Ça serait mieux. Pour récupérer. Ça va, t'as pris la tangentielle, là, ça roule ou pas? Ah, du tout. Alors, tu sais, moi, j'ai le bonheur d'habiter à côté de la radio, donc les embouteillages, je connais pas. Ça, c'est le bon plan. Ouais. Il y en a qui gueulent encore, la tangentielle. Ça, c'est le gros problème. Alors la tangentielle, tu connais, non? C'est un gros problème. Ouais. Je sais pas pourquoi ils font. Il y a tout le monde travaux cette tangentielle. Je sais pas pourquoi. Et alors bizarrement, c'est aux heures de pointe. Ouais, c'est bizarre. Va savoir pourquoi. Bah je sais pas. Mais voilà. C'est bizarre. Hein. Tous ceux qui vont au boulot, il y en a qui arrivent en retard à cause de ça. Ils me disent, bon, ça y est, l'émission qui va démarrer aujourd'hui dans 6 minutes. C'est ça. En quoi au programme aujourd'hui? Des bonnes choses à vendre encore? Musique à vendre, oui. Alors des offres d'emploi. Alors il y a un restaurant qui recherche cuisinier, cuisinière. Voilà. Il y a d'autres offres d'emploi. Le maçon est toujours là, le maçon? Ouais, mais alors justement, ça a changé. Quand tu as les chefs d'entreprise au téléphone, c'est plus le même salaire. Non, mais alors ils te disent, il y a du travail. Ouais. Et personne ne travaille. Et voilà, c'est ça. Et j'ai. Et nous chez les Portugais, il y a pas un maçon qui traîne. Je sais pas. C'est pas possible ça. Alors il y a un aide maçon 1800 euros net par mois. Même, ouais. Le maçon. Je vais être obligé d'y aller. Le problème, c'est que tu vas me filer le numéro. Je vais être obligé d'aller faire d'autres loisirs. Ouais, mais alors si t'es maçon spécialisé, notamment dans le pavillon, ouais, c'est 2500 euros par mois. Ouais. Non, moi je suis à la masse, moi je me défais des murs. Mais c'est vrai que quand ils t'appellent, ils te disent, voilà, j'ai un chef d'entreprise qui est dans le ravanement, et il me disait, mais Jean-Pierre, il y a énormément de boulot, et on a du mal à trouver, c'est quand même hallucinant. Ah ouais, un ravanement, ouais. Et puis, je dis un restaurant qui cherche un serveur, un cuisinier ou une cuisinière, et c'est les mêmes discours que tu entends systématiquement. Ouais, pas facile de trouver du personnel aujourd'hui. Hein. Mais c'est partout, hein, c'est partout. J'étais ce week-end du côté de Villejuif. C'est où? Dans le 94. J'étais dans un grand centre commercial là-haut. Mmh. Et en fin de compte, c'est pareil, tu regardes, c'est hallucinant, c'est dingue, les hein. restaurants, les boutiques qu'ils recherchent. Ah vache, bah justement, si vous voulez être maçon, bah pourquoi pas. C'est ça. Il cherche des débutants ou alors il faut être qualifié. Il les forme, alors tu vois, il est prêt à ça. Il les forme, il les forme. Il est prêt à les former. Il les former aussi. Non, je sais pas. On rigole. C'est quelle société, on peut le dire? Non, après c'est de la pub, après tu sais. C'est vrai. Ouais, voilà. Bon, bah il y a une société de maçonnerie qui cherche. Si ça m'intéresse. Et puis, toujours le fameux disque à la demande. Bien sûr. Ah ouais. Bah, on t'appelle et on demande un titre, c'est ça? Voilà, et je passe le titre que tu me demandes. Ah la vache, c'est du lourd le matin, jusqu'à midi entre les cas. C'est ça. Voilà, on arrive dans 3 minutes. Hein? Oui. Enfin, un peu plus parce qu'il y a une demi-heure de pub. Un peu plus. Il y a la pub. J'ai un écran de pub là sous les yeux. Il y a un paquet. Là. À tout de suite, Jean-Pierre. À tout de suite. Allez, bonne journée avec Jean-Pierre juste avant 9h. La pub. Calinette Nettoyage. 117 route nationale 45 140 Ingré. 02 38 22 08 57. Mail. accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage,